Chapitre 5e. Pendant le déjeuner de nos amis étrangers qui fêtaient avec grand appétit la table hospitalière de la compagnie, je me promenais dans l'enclos du campement, causant de toutes ces choses si nouvelles avec un vétéran des travaux du canal, un de ces hardis pionniers qui ont, les premiers, planté leur tente à l'appel de M. de Lesseps. Et il me donnait sur les mœurs et le caractère des bédouins du désert, qui dit désert ne dit pas solitude, les informations les plus intéressantes. Tâchons de nous souvenir de ses propres paroles. Elles ont le mérite de la vérité. C'est la nature prise sur le fait. « Vous voyez bien, me disait-il, ces dunes qui s'élèvent là-bas, à l'horizon. On y trouve le tombeau d'un saint du mahométisme. Abou Nishab, le père de la flèche, compagnon de Mahomet, passe pour avoir excellé dans les exercices de l'équitation et les jeux d'adresse. Il est le patron des cavaliers indigènes. La légende rapporte que son corps était enterré dans la haute Égypte et qu'un de ses bras seulement était dans le désert. Mais un jour, le corps a disparu et s'est trouvé réuni au bras. À la suite de ce miracle, on a érigé un tombeau et les fidèles sont venus chaque année au mois de juillet implorer l'intercession du saint. La fête avait d'abord un caractère purement religieux. Les malades venaient en pèlerinage. Les mères amenaient leurs enfants pour attirer sur eux la protection divine. Les zècres, ou louangeurs de Dieu, se réunissaient pour prier. Il y a une douzaine d'années, un gouverneur, Maler Effendi, après avoir maltraité cruellement les habitants de la vallée, vit en songe le saint qui lui reprocha sa conduite et lui ordonna, pour réparer ses fautes, de fêter solennellement le pèlerinage annuel. C'est alors que commencèrent les fantasias et les courses qui attirent, outre les habitants du domaine, les cavaliers du pays et les bédouins du désert. Cette année, j'ai assisté à cette fête qui dure pendant plusieurs journées. Le premier jour, l'assemblée n'était pas au complet. Elle grossissait peu à peu par l'arrivée d'un cheikh et de sa famille, d'une tribu du désert, de la population d'un village. Les femmes étaient jusqu'à trois sur un chameau avec leurs enfants et les ustensiles du ménage. Ces animaux, parés de draperies éclatantes, semblaient fiers de porter la famille. À l'arrivée d'une caravane, drapeaux et musique allaient au-devant d'elle jusqu'à l'entrée du champ de la fête, où les chameaux rangés en ligne s'arrêtaient gravement. Les cavaliers venaient faire des passes au galop, brûler de la poudre et distribuer de l'argent aux yeux des beautés voilées qui répondaient par leurs chants de joie et leurs trilles aigus. Jusqu'au milieu de la nuit, un magnifique clair de lune fit ressortir en ombre vigoureuse les réunions autour des tentes, les jeux de bâton des fellahs et les prières des zècres, que ni les cris ni les gestes convulsifs ne semblaient fatigués. Le lendemain matin, je montai à cheval pour visiter le tombeau du saint. L'étroit espace couvert par la voûte du monument était rempli de fidèles priant et chantant. Des ex-voto, des colliers, des bagues, des bandes d'étoffes étaient suspendues au-dessus de la pierre du tombeau. Plus de 50 enfants se roulaient dans le sable en criant leurs prières. Des malades et des convalescents formaient un double cercle et proclamaient les louanges de Dieu et de Mahomet avec des balancements de tête, des renversements de corps et des contorsions de toute espèce. Au retour de cette visite, je trouvai sur la route une nuée de cavaliers. La descente des dunes offrit un beau coup d'œil. 150 chevaux tourbillonnaient au galop dans le sable. Bon, arrêt sur place, changement de main, coup de feu, ne cessèrent que lorsqu'arrivé au champ de course, chacun prit son rang pour commencer la fantasia du matin. Une seule tribu manquait à l'appel, et l'on s'étonnait de son absence lorsqu'une vive fusillade se fit entendre tout à coup. Un millier d'hommes à pied, entourant 50 chameaux portant les femmes, les provisions et les tentes, vinrent prendre part à la fête. Cette caravane était escortée par 60 cavaliers, drapeaux et musique en tête. C'était la tribu retardataire. Les hommes à pied, type des nomades du désert avec leurs sabres à four de bois, leurs longs pistolets, leurs peaux bronzées, leurs membres à peine couverts de quelques haillons majestueusement portés, étaient superbes à voir. Tout se passa dans le plus grand ordre. Une seule querelle entre deux Arabes risqua de le troubler. On les arrêta au moment où les coups intervenaient dans la discussion. Ils furent amenés devant le juge. 3 ou 4 000 têtes groupées alentour attendaient la décision. Après un court interrogatoire, le nazir rendit sa sentence et dans son impartialité, il conclut que les deux délinquants devaient recevoir chacun 50 coups de courbache. La courbâche est une lame d'acier flexible entourée de lanières de cuir. J'intercédais et je demandais qu'en l'honneur du saint la première faute fût pardonnée. Le juge crie alors pour toute sentence « Bédouin, embrassez-vous !» Leur cheik, se précipitant sur eux à ces mots, leur prirent la tête et les tinrent embrassés aux acclamations des assistants. Ce récit m'avait fort intéressé. Il soulevait un coin du rideau qui cache à nous autres Européens les mœurs des habitants du désert. Cette foi ardente des populations dans le pouvoir de leurs saints, ce déploiement d'un luxe guerrier, cette galanterie, ces courses, ces jeux chevaleresques, et par-dessus tout, cette justice patriarcale dont les arrêts sont respectés sans l'intervention d'aucune force, étaient autant de particularités curieuses et caractéristiques. Tout en me promettant de les consigner ici, je ne pus me défendre de jeter de nouveaux regards vers les dunes où repose le corps d'Abou Nishab, et elles me parurent peuplées des souvenirs de cette fête. Désormais, d'ailleurs, le désert devenait vivant devant nous, du moins par les souvenirs. Il suffisait de parcourir jusqu'à Timsa le reste de notre route, une Bible à la main, pour relever en pensée des villes disparues. Ramsès, qui n'existe plus, était florissante au temps de Moïse. C'est de Ramsès que ce prophète partit, lorsqu'il conduisit hors des domaines du pharaon, la grande émigration des Juifs. On voit à Ramsès, à quelques pas du campement, la statue du souverain égyptien qui avait donné son nom à la ville. Il est assis entre deux autres figures de granit qui ont résisté mieux que la cité elle-même à l'action du temps. Celle-ci n'est plus indiquée que par des briques éparses. Moïse et son peuple suivirent la direction du canal d'eau douce et firent une première halte non loin de l'endroit où ce canal rejoint le lac Timsa. Notre journée va s'achever. Nous sommes parvenus presque au centre de l'isthme. Ce que j'admire le plus dans cette solitude si imposante et si extraordinaire pour un habitant de Paris, c'est l'extrême transparence de l'air. J'en avais souvent entendu parler par les voyageurs, mais je n'avais pu me rendre compte de ce phénomène qui a pour principal effet de diminuer considérablement les distances et d'accuser tous les objets avec un relief très vigoureux. Il les grandit aussi, et je vois en ce moment pointer à l'horizon un cavalier sur son dromadaire qui paraissent, homme et bête, d'une stature colossale. Les montagnes du Jebel Jenefe, qui surgissent aux portes de Suez et qui sont éloignées de nous de 60 kilomètres au moins, paraissent s'élever à quelques milliers de pas seulement. En résumé, cette immobilité, ce silence, cette solitude que pas un oiseau, pas un insecte ne trouble, ont une majesté triste. On a soif rien qu'à voir ces vastes espaces privés d'eau. Ils éveillent la pensée d'un repos éternel. Ils nous reportent vers les nécropoles de la Haute-Égypte. C'est le séjour bien choisi des tombeaux, l'empire naturel de la mort. Et pourtant, que d'animation en ce moment, que de vie dans l'isthme. Tournons la proue de notre esquif vers le rivage méridional. Abordons au pied de cette berge assez élevée. Tout y paraît calme et solitaire. Mais notre arrivée a été signalée. Voici les principaux agents de la compagnie, les ingénieurs, les médecins. Tous les compagnons de la grande œuvre sont venus nous souhaiter la bienvenue et acclamer notre illustre chef, M. de Lesseps. Saïs, valet, chamelier s'agitent dans la poussière, poussent devant eux des chevaux tout harnachés, des dromadaires qui portent fièrement leurs selles si petites et leurs grandes housses frangées éclatantes des plus vives couleurs. Il n'est pas jusqu'à la monture nationale, en Égypte, les ânes, qui ne figurent dans cette démonstration et qui n'offrent aux voyageurs leur robuste et patiente échine. Sommes-nous donc arrivés au lac Timsa? Nos yeux cherchaient en vain la trace de cette vaste dépression de terrain. Ils n'aperçoivent que des dunes entrecoupées de vallées sablonneuses où les chaussures vernies des agents de la compagnie font l'effet d'un anachronisme. Attendons et suivons nos guides. Nous débarquons. La cavalcade se forme. Les dromadaires ploient les genoux en grondant, selon leur invariable habitude. Les sportsmen que nous comptons parmi nous sont les premiers à faire l'essai de cette nouvelle monture. On se partage les chevaux, et en avant. M. de Lesseps et M. Belwer sont en tête, deux brillants cavaliers que nous perdons bientôt de vue. Chacun les suit de son mieux en pressant sa monture. Toute la caravane se précipite. Les dromadaires, allongeant le pas, prennent un trot qui éprouve les cavaliers novices. Les chevaux, pour les précéder, s'élancent au galop. Ils s'animent tous à la course. Le mouvement, le bruit, la foule les excitent. Ils piquent droit devant eux, tête baissée, et détalent à toutes jambes. Rendez la main, si vous ne voulez pas être renversé, car la folie du désert les pousse. Ils dévorent l'espace. Heureusement, le terrain n'offre pas d'obstacle. Éblouis un moment par ce tourbillon, nous marchons paisiblement sur ces traces, en compagnie de l'ingénieur divisionnaire, avec une curiosité facile à comprendre. Cette curiosité ne tarde pas à être satisfaite. Au sommet de la dune où nous venons d'arriver, nous voyons se développer un canal large de 25 mètres. Les talus réguliers descendent à 5 mètres de profondeur, et cette belle tranchée, encore sans eau, se développe à perte de vue. Suivons-en le bord, et nous verrons à l'œuvre les compagnies de terrassiers indigènes. Ils sont au nombre de 12 000, échelonnés sur une ligne de quelques kilomètres. Les uns manient la pioche au pied du talus dans le lit du futur canal. La terre qu'ils enlèvent est chargée dans des paniers en jonc qu'on appelle des couffes. Ces paniers passent de main en main jusqu'au sommet du talus. Ce système primitif donne des résultats qui surprendraient davantage encore si l'on ne réfléchissait pas qu'on est sur le terrain classique des travaux exécutés à bras d'homme. La tranchée s'ouvre en quelque sorte à vue d'œil. Elle court vers le sud. Avoir l'ardeur des ouvriers, l'ordre du travail, la simplicité des moyens, la discipline et l'entrain des chefs subalternes, le calme et la sécurité des supérieurs, en pressant les progrès rapides et l'achèvement prochain de l'entreprise. La nuit est venue. Nous reprenons nos places dans les embarcations. Les attelages qui nous remorquent hâtent le pas. Encore quelques efforts, et nous atteindrons les bords de ce lac Timsa, où la compagnie a fondé une ville nommée Ismaïlia, en l'honneur d'Ismaïl Pacha, et qui reçoit déjà les eaux salées qu'apporte le canal maritime. Pendant le reste de la route, chacun exprime les sentiments qu'il a éprouvés à la vue de cette armée d'ouvriers que la compagnie applique à ses travaux. Jamais l'image d'une fourmilière n'a pu être plus justement employée que pour définir cette multitude d'hommes qui montent ou descendent les talus, qui s'agitent avec ordre et qui couvrent le terrain de têtes nombreuses comme les épis dans un champ de maïs. C'est un spectacle nouveau mais intéressant, singulier mais instructif. On ne peut oublier que cette foule n'obéit ici qu'à l'ascendant moral de quelques Européens. En admettant même que sa présence et son concours sur la ligne des travaux ne soient pas volontaires, du moins peut-on dire avec une fierté légitime que la régularité et la discipline des travaux, et surtout le bien-être et la bonne santé des ouvriers, sont dus aux soins de la compagnie et contrastent avec la situation qu'ils avaient à subir lorsqu'on les appliquait, dans l'Antiquité et dans les temps modernes, aux grands travaux d'utilité publique.